Chapitre 12e. La nouvelle barbotière. Trois tables étaient placées de front. La table du milieu, plus petite, était surélevée. Une toile noire recouvrait ces trois tables, les masquait jusqu'à terre. Au milieu apparaissait, sanglant dans ce noir, un grand Z en drap rouge. Sur la table du milieu se trouvaient un revolver, un poignard et une corde avec un nœud coulant. La salle où se trouvaient ces tables était mansardée. Pour éclairage, elle avait des lampes à pétrole que des lyres, avec de larges abat-jours en zinc au bout d'un fil de fer, faisaient descendre du plafond. Ça et là, des meubles hors d'usage, des matelas crevassés, des tas de linge, des bouteilles vides, une baignoire percée, deux antiques bicyclettes et d'autres ustensiles de ménage dont on ne pouvait se servir, des malles, des caisses, tout le débarras en somme qui encombre un grenier dans une maison de Paris. Le grenier s'étendait sur 8 à 10 mètres de longueur. Il n'avait guère plus de 5 mètres de largeur. Une croisée était percée, mais des voiles noires la masquaient, ou plutôt empêchaient la lumière des lampes de passer au dehors. Une seule porte donnait accès dans ce grenier ainsi singulièrement disposé et rappelant l'installation de la barbotière. C'était en effet le nouveau local que la bande des aides avait provisoirement adopté, en attendant soit la réfection de la barbotière, ce qui n'était pas encore décidé, soit la découverte d'un refuge offrant la sécurité et les commodités des souterrains de Montmartre. La maison où se trouvait ce refuge était à Grenelle. Elle n'existe plus aujourd'hui, du moins en cet état, car un immeuble de rapport bâti à la moderne a remplacé la vieille masure dans laquelle nous allons pénétrer. Cette maison n'a que 2 étages et un grenier. Au rez-de-chaussée sont installés de chaque côté de la porte, à droite un marchand de vin restaurateur, à gauche un brocanteur. Les 2 étages de la maison sont occupés par un adjudant du service des subsistances, aujourd'hui en retraite, qui, ayant passé sa vie entre la caserne de la Tour Maubourg et le dépôt des lits militaires, n'a pu se décider à abandonner ce quartier. M. Mélidon, en prenant sa retraite, épousa Zulma. Zulma, depuis l'âge de 16 ans, blanchissait dans le quartier. La clientèle était mi-civile, mi-militaire. Comme Zulma allait aujourd'hui sur 45 ans, c'est dire qu'elle aurait pu porter des galons d'or sur ses manches retroussées comme les vieux briscards de l'ancien temps. Ah, elle avait bien fait son service et son amour pour l'armée ne s'était jamais ralenti. Elle avait connu le service de 7 ans, puis de 5, puis de 3. Et elle était partisan convaincu du service de 2 ans, qui fournissait au moins des cadres d'hommes toujours jeunes. Toutefois, elle ne repassait plus elle-même et depuis plusieurs années, Zulma étant devenue la patronne du magasin où elle avait travaillé comme ouvrière, elle ne portait plus le linge à domicile. D'ailleurs, M. Mélidon n'eût pas supporté cela. Zulma avait été une brune piquante. C'était, paraît-il, un vrai régal de lui voir porter le panier à linge, les bras nus, le buste penché et la chemisette bien remplie. Et c'était un plaisir savoureux de vérifier avec elle le linge blanc et brillant, glacé, qu'elle rapportait. Elle fit la fortune de la maison qu'il occupait, et la sienne ensuite. M. Mélidon était son client depuis le galant de caporal, depuis qu'il avait pu s'offrir une chemise blanche à plastron qui n'avait rien d'ordonnance, mais que toutes les 2 semaines, Zulma lui rapportait bien glacée, avec des petits points relevés au fer à chaque boutonnière. M. Mélidon passa sergent et s'offrit 2 chemises blanches. Au lieu de venir tous les 15 jours, Zulma lui apportait sa chemise tous les 10 dimanches. Il fit à cette époque entendre à Zulma qu'elle devait maintenant laisser plus souvent l'apprenti porter le linge chez les autres. Quand M. Mélidon fut adjudant, il parla de régulariser cette union qui avait commencé à la première blancheur de sa première chemise de caporal. Il croyait, ingénument ou par fatuité extrême, que Zulma, chez lui seul, oubliait ses fers à repasser pendant près d'une heure en rapportant une chemise. Quant à lui, de même qu'il était fidèle à son poste de confiance et pour rien au monde n'aurait livré à l'ennemi le secret du nombre, de la formation et de l'emplacement des lits militaires, il n'eût consenti à trahir Zulma. Il se donna à elle presque vierge. Quand il l'épousa, il fut heureux de croire à la réciprocité. Zulma avait toujours eu des tendances à la rondeur. Ces tendances sont charmantes quand elles ne sont que des promesses, mais l'âme généreuse et le cœur tendre de Zulma lui firent exagérer le résultat de ses promesses. Souvent, en constatant les progrès de Zulma, M. Mélidon jugeait que pour contenir Mme Mélidon, il faudrait au moins 3 les militaires. À lui-même, pour en serrer son ventre à qui la vie de bureau fut propice, il fallut 2 ceinturons. C'était un beau couple, une union bien assortie. Au demeurant, de braves gens, des amis de poids, sur qui on pouvait compter. Ils étaient très estimés dans le quartier où ils connaissaient tout le monde, où tout le monde les connaissait. Ils avaient de petites économies. Zulma faisait bien marcher la blanchisserie. Ils étaient heureux. Puis, l'âge venant, Zulma vendit son magasin. Ils prirent les 2 étages de cette maison et tinrent démeublés. Ils louaient à des contremaîtres des usines voisines et à quelques officiers que M. Mélidon accueillait en jeune frère d'armes et que Mme Mélidon traitait avec son cœur du temps où, pimpante, elle allait, sa corbeille sous le bras, rapporter le linge bien repassé. Pour la seconder dans le service des chambres meublées, les Mélidon avaient une bonne et un garçon. Le garçon veillait pour ouvrir la nuit, car dès l'heure du couvre-feu, M. Mélidon ronflait en basson et Mme Mélidon lui répondait en soprano un peu asthmatique. Au 2e étage de la maison, il y avait 4 chambres. 2 se trouvèrent vacantes par le départ d'un sous-lieutenant et d'un lieutenant que Mme Mélidon regretta considérablement. Mais dans sa peine, elle eut une consolation. Un jeune homme, qui dans le militaire eût été lieutenant, capitaine tout au plus, se présenta et loua une des chambres. Le soir même, un vieux monsieur, de l'âge où l'on est colonel tout au moins, loua l'autre chambre. Le colonel se donna comme employé au chemin de fer des Moulineaux, le jeune comme photographe ingénieur. Celui-ci demanda en outre le grenier pour y installer son laboratoire et y faire ses études. Après lui avoir fait jurer qu'il ne ferait aucune expérience pouvant mettre le feu, ni aucun travail qui endommagerait l'immeuble, M. et Mme Mélidon consentirent à lui louer le grenier qu'il aménagea à son gré et dont il eut seul la clé parce qu'il avait des papiers, des plaques, des produits qui ne devaient pas voir le jour. Les 2 pièces voisines de celles de l'employé de chemin de fer et du jeune photographe, devenues vides, furent aussitôt louées par 2 jeunes employés civils du ministère de l'Instruction publique. Les 4 locataires du même étage firent connaissance et se lièrent bientôt d'amitié. Ils étaient très sérieux, rentraient et sortaient sans bruit, et se montraient pleins de condescendance pour les propriétaires. Mais ce n'était pas seulement parce que M. et Mme Mélidon étaient de braves gens, que les autres se montraient affables, et que cette maison était agréable et unique, pour ainsi dire, dans Paris. C'était surtout parce que la dernière de cette maison donnait sur un immense terrain vague, non loin de la Grande Roue, là où, pendant l'exposition, se tenait le village suisse. Or, dans ce terrain vague, en soulevant une planche de palissade, on pouvait passer dès qu'il faisait nuit, sans être vu ni inquiété par personne. La maison des époux Mélidon avait des cuisines de ce côté, des croisées assez hautes. Une échelle légère en bois, qui se pliait en 3 et ne tenait aucune place, reliait le 2e étage à ce terrain vague, et par cette échelle, les affiliés à la bande des aides à qui on avait confié le secret, ou que les chefs convoquaient, pouvaient se rendre au rendez-vous assigné, comme autrefois à la barbotière. L'échelle les hissait jusqu'à la croisée du 2e étage, et du 2e étage, il devenait très simple de gagner le grenier où l'ingénieur photographe était censé se livrer à ses études. Mais on conçoit que peu d'affiliés, toutefois, devaient connaître cette nouvelle barbotière. Quand un des affiliés était convoqué, un des chefs allait le prendre chez Clafou. Là, il le faisait monter dans une voiture. En chemin, le chef bandait les yeux de l'affilié et le guidait par la main jusqu'à l'échelle. On ne lui enlevait le bandeau que quand il touchait le 2e étage. Ainsi, il ne pouvait savoir où il se trouvait, ni par conséquent plus tard reconnaître la maison. Ce soir donc, le grand conseil des aides était réuni. Zygomard avait pris place à la petite table surélevée. Les 4 assesseurs se tenaient de chaque côté. Au centre se trouvait une chaise. Zygomard fit un signe de la main. Car, ce soir, sous les robes, sous les cagoules, il y avait non des mannequins, comme à la barbotière, mais des hommes. Et 2 nouveaux personnages, portant également une cagoule, mais noire, parurent. Ils encadraient un 3e personnage, vêtu comme le sont les clients des enfants de l'Aveyron. Ce personnage, nous le connaissons, était Bipard, l'amant férocement jaloux de la guincheuse. « Assieds-toi, » lui dit Zygomard. « Assieds-toi, Bipard, et remets-toi. » Bipar s'inclina devant Zigomar, puis devant les assesseurs à droite et à gauche, et finalement prit place sur la chaise au milieu des tables. « Zalavi !» dit Zigomar. « Zalamor !» répondirent les assesseurs. « Zigomar ! Zigomar ! Zigomar !» Et le silence se fit. La règle des aides exigeait qu'on ne parlât point et que l'on répondît seulement aux questions que Zigomar posait. Zigomar dit alors « Rassure-toi, Bipar. Aujourd'hui, Zigomar est réuni non en tribunal, mais en conseil suprême. Zigomar n'a pas voulu attendre plus longtemps pour te féliciter de ta conduite intelligente, brave. Dès que nous aurons un nouveau temple, un nouveau palais, où tous nos amis, tous les Ramogis, tous les Zigomars pourront se réunir, tu recevras publiquement les félicitations et les honneurs auxquels tu as droit. Pour le moment, sache que tout à l'heure on te comptera la prime spéciale que Zigomar alloue à ceux de ses enfants qui lui ont, comme toi, rendu service et qui pour lui se sont dévoués à la vie. « Zalamor !» dirent les assesseurs, élevant la main et traçant dans l'air le Z symbolique. Zigomar se tut un moment et reprit. « Maintenant, Zigomar veut te demander quelques renseignements dont il a besoin. Voyons. Tu nous as dit que tu avais engagé la lutte avec un sergent de ville sur les boulevards extérieurs. Là, tu as commis une faute. Zigomar ne veut pas de ces risques qui ne sont d'aucun rapport pour l'association et peuvent, au contraire, lui faire perdre quelques-uns de ses membres. Zigomar ne veut la lutte qu'avec espoir de gain. Passons. Dans quel commissariat t'a-t-on conduit? Il y en a deux qui sont à peu près à la même hauteur des boulevards extérieurs. Il y a le commissariat de la rue de la Rochefoucauld et celui de la rue de la Tour d'Auvergne. Il y a encore un poste de police dans la rue Beauchard de Saron. Voyons, peux-tu te rappeler tes souvenirs? Nous dire exactement dans lequel de ces trois commissariats et postes de police sont à conduit? Non, chef, répondit Bipar, non. On m'a déjà demandé pour vous de rappeler mes souvenirs. Eh bien, malgré tous mes efforts, mes souvenirs ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un tel coup à la tête que ça m'a troublé la cervelle. J'étais knock-out sur le boulevard. Voyons, on t'a emporté en fâcheux état. Tu ne peux te souvenir de rien, je te l'accorde. Mais tu as retrouvé tes esprits ensuite. Tu as repris possession de toi-même peu après. Oui, chef. Bon. Alors, quand pour accomplir ton acte d'initiative et de hardiesse, pour lequel tu as reçu nos félicitations, tu conduisais les gens qui te tenaient, tu savais où tu allais. Je devrais, chef, me le rappeler. Mais dans l'état où j'étais, la tête me faisait encore mal, et j'avais reçu un coup de pied sur un tibia qui me cuisait horriblement. As-tu marché longtemps? Le chemin, dans ces conditions, m'a paru très long. Tu n'as pas reconnu la route, regardé les rues. Je me suis tout de même aperçu que nous traversions la place Pigalle. Ah! C'est une fois seulement à la Barbotière, chez nous par conséquent, que je me suis tout à fait ressaisi. Le reste, chef, vous le connaissez. Oui, c'est parfait. Donc tu ne peux rien nous dire de plus précis depuis le moment de ton arrestation. Tu ne peux te rappeler autre chose, nous dire dans quel commissariat on t'a mené. Non, chef. Bon. Zigomar leva la main. Bipar, tu peux te retirer. Bipar se leva. Il salua Zigomar, puis les assesseurs, et se plaçant entre les deux hommes vêtus de la cagoule noire, il sortit du grenier que les aides, pour le moment, appelaient le temple, le palais. Quand la porte fut refermée sur lui, Zigomar reprit la parole. « Mes amis, la situation est grave pour Zigomar. » Puis, dans le silence absolu, il ajouta « Mes amis, il est regrettable que Bipar, dont la conduite à part cela mérite l'approbation entière de Zigomar, ne puisse nous donner de plus précis détails. Il nous tirerait d'un cruel embarras. En effet, nous avons fait sauter un des couloirs de la Barbotière, nous avons condamné notre lieu de réunion, si pratique, si commode. Nous avons salué de nos bravos ce sacrifice parce que nous pensions que sous les décombres se trouvait le commissaire de police et l'agent qui avait opéré l'arrestation de Bipar. Or, le compagnon de Bipar, mis par nous aux aguets depuis ce soir, a vu et reconnu tous les agents de l'arrondissement. Dans le nombre, il n'a pas retrouvé celui à qui lui et Bipar ont eu affaire si malencontreusement. Ce compagnon affirme qu'il reconnaîtrait l'agent, et il ne l'a pas retrouvé, ce qui nous fait espérer que cet agent a péri dans l'explosion de la Barbotière. Mais ce qui nous déconcerte, c'est qu'aucun des deux commissaires ni le chef du poste de police du quartier n'ont disparu, n'ont manqué de venir à leur bureau un seul jour. Cependant, l'un d'eux accompagnait l'agent et a dû partager logiquement son sort. Si l'un est mort, l'autre ne peut être vivant. Si l'un des deux est vivant, l'autre a échappé aussi à la mort. Et voilà, mes amis, ce que Zygomar espère éclaircir ce soir. Voilà ce qu'il faut à tout prix savoir. À vous de chercher et de vous ingénier à trouver la solution de cet inquiétant problème.